إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui c'est le cours 49 dans l'explication du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, et on a commencé Kitab Al-Hajj hier et donc on continue aujourd'hui Babun fi Fadl Al-Hajj wa Al-Isti'dad Ilah, c'est-à-dire un chapitre qui parle du mérite de faire le Hajj et de la préparation pour le Hajj. Le Cheikh il dit Al-Hajj fihi Fadlun Azimun wa Thawabun Jazil. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرور ثواب إلى الجنة. Donc le Cheikh en commençant il dit que le Hajj il a un grand mérite et une récompense énorme. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi, et At-Tirmidhi l'a authentifié, selon Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites suivre entre le Hajj et l'Umrah, parce que le Hajj et l'Umrah effacent ou enlèvent la pauvreté et les péchés, comme le feu enlève les saletés ou les impuretés dans le métal, dans l'or et dans l'argent. Et il n'y a pas d'autre récompense pour le Hajj al-Mabrour, il n'y a pas de récompense pour le Hajj al-Mabrour excepté le paradis. On va expliquer al-Hajj al-Mabrour, qu'est-ce que ça veut dire dans quelques instants, inshallah. Le Cheikh dit wa fi sahih an Aisha radiyallahu anha قالت نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. نعم، والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامه ووقع على الوجه الأكمل، وقيل هو المتقبل. Donc, le Cheikh, il dit ensuite, le hadith qu'on a traduit en premier, est rapporté par Tirmidhi, An-Nasa'i, comme on avait dit dans l'explication. Et il mentionne un autre hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari, selon Aisha radiallahu anha, qui a dit, on voit que le meilleur des actions, c'est le jihad. Est-ce qu'on peut pas faire le jihad nous aussi, c'est-à-dire les femmes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, oui, mais le meilleur des jihads et le plus beau d'entre eux, c'est le hajj, un hajj mabrour. Et le hajj mabrour, le cheikh il l'explique, il dit que c'est le hajj qui n'est mélangé avec aucun péché. C'est-à-dire le hajj dans lequel il n'y a pas aucun péché qui est mélangé avec. وَقَدْ كَمُلَتْ أَحْكَامُ. Et ses règles ont été complétées et parfaites. C'est-à-dire que tu as respecté complètement les règles d'une façon parfaite. Wa waqa'a 'ala al-wajh al-akmal, et que tu l'as fait de la façon la plus parfaite possible. Et d'autres personnes ont dit que c'est le Hajj qui est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit fa idha istaqarra 'azmuhu 'ala al-hajj فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها ويرد الودائع والعوار والديون التي عنده للناس ويستحل بينه ويستحل من بينه وبينه ظلامه ويكتب وصيته وليوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه ويأمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه ويحرص أن تكون نفقته حلالا ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره يكون زاده طيبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ويجتهدوا في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره وأداء نسكه ويهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي. Donc le point ici que le cheikh explique, c'est que lorsque la personne a eu la ferme intention de faire le hajj, alors elle doit commencer par se repentir de tous ses péchés et sortir de toute injustice en rendant les choses à qui elles appartiennent. Si par exemple il a des choses en sa main ou il possède quelque chose chez lui qui appartient à quelqu'un, et qu'il a pris injustement, donc il le remet à la personne à qui elle appartient. Il remet aux personnes les choses qu'il a empruntées, des objets ou des instruments ou des choses qu'il a utilisées, qu'il a empruntées, il leur remet. S'il a des dettes, il a des dettes chez les gens, c'est-à-dire qu'il a emprunté de l'argent à des gens, alors il remet à ces gens-là leur argent ou les biens qu'il leur a empruntés. Également, s'il a fait une injustice à quelqu'un et qu'il y a entre lui et quelqu'un d'autre quelque injustice ou quelque problème, eh bien, il essaie de régler ce qu'il a entre lui et cette personne comme problème. Et il écrit une wasiyya, c'est-à-dire il écrit un testament avant de partir. Et il charge quelqu'un pour régler les dettes et les droits qu'il n'a pas pu régler lui-même avant de partir. Donc il laisse à quelqu'un la charge de s'en occuper pour lui. Et il fait en sorte que ses enfants ou ceux qui sont sous sa charge aient ce qui leur suffit de nourriture et de risques et de biens, juste pour qu'il puisse tenir jusqu'à ce qu'il revienne du hajj. Et il faut voir aussi que à une certaine époque, il n'y a pas trop longtemps, le hajj c'était un grand voyage. C'était un grand voyage que les gens entreprenaient. Parfois, ils revenaient jamais. Et c'est pour cette raison-là que les gens prenaient toutes ces précautions avant de partir, pour être certain qu'il ne reste aucun problème avant de partir. Comme ça, Inch'Allah, il quitte, et il quitte sans laisser d'injustice ou de mal derrière eux. Parce que les gens partaient, des fois c'était des voyages, un voyage qui durait pendant des mois, le voyage, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec les avions et tout ça, c'était avec les montures, les animaux, les bêtes. Les gens partaient en caravane, et puis des fois c'était des voyages qui pouvaient durer plusieurs mois. Imaginez les gens qui venaient du nord de l'Afrique, ou bien de l'Afrique de l'Ouest, ou bien de l'Asie, ou d'autres pays comme ça qui partaient à travers les pays, et qui marchaient comme ça, ou bien qui prenaient des chevaux ou des ânes ou des moutons des chameaux plutôt. Donc ils partaient comme ça, puis ça prenait des mois et des mois pour ils pouvaient tomber malades, ils pouvaient avoir un accident, ils pouvaient se faire attaquer par des voleurs, par des mendiants, des brigands. sur la route. Et aussi, yani, subhanallah, il y avait le, yani, disons, la fatigue et la chaleur, les animaux. Il pouvait y avoir beaucoup de dangers, d'accord? Et donc, une fois qu'ils arrivaient là-bas à Mecca, faisaient leur hajj, et après, par la suite, c'était de revenir. Donc, des fois, ça pouvait prendre un an pour compléter tout ça. Des fois, il y en a qui partaient, ils revenaient, ça prenait une année. Même, il y en a qui sont restés pendant des années avant de revenir dans leur pays d'origine. Donc, ça veut dire que c'était des voyages d'une vie. C'est pour ça que le hajj est obligatoire une seule fois dans la vie d'une personne. Parce que c'est pas aussi facile pour tout le monde de le refaire aussi souvent que ça. Mais aujourd'hui, comme on voit qu'il y a les moyens de transport qui ont été facilités avec les avions, les voitures et des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que ça devient, disons, beaucoup plus facile qu'avant. Toutefois, il y a encore des difficultés, même encore aujourd'hui, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et même si on part aujourd'hui avec les moyens qu'on a, eh ben, ça ne veut pas dire non plus qu'on va revenir. Il y a beaucoup de gens parfois qui ont des malheurs là-bas ou qui ont des accidents et des trucs comme ça. Et donc, le fait de se préparer et de bien régler nos problèmes avant de partir, eh bien, ça fait en sorte que, inshallah, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala décide de prendre notre âme quand on est là-bas, eh bien, nos choses sont déjà réglées. Et ensuite, le cheikh dit donc, il doit, disons, faire des efforts pour que tout ce qu'il laisse comme argent pour sa famille, comme nourriture et comme nafaka, que ce soit tout halal, que tout ce qu'il laisse soit parmi les choses halal. Et ce qu'il amène comme provision pour lui-même et comme ce qu'il laisse, ça doit être suffisant. Et ça doit faire en sorte qu'ils ne vont pas avoir ou qu'ils ne vont pas être dans le besoin de quelqu'un d'autre pour les approvisionner, ou bien pour lui-même, ou bien pour sa famille non plus. Et le cheikh, il mentionne un verset qui dit: ô vous les croyants, dépensez des biens que vous avez gagnés. Et il dit qu'on doit également faire des efforts pour essayer de trouver un bon compagnon de voyage, quelqu'un qui va nous aider durant notre voyage, qui va nous aider également à faire nos rites du hajj, qui va nous guider lorsqu'on s'égare et qui va nous rappeler lorsqu'on oublie. Donc ça, c'est aussi une chose très importante que le cheikh ici il mentionne, et ça nous donne aussi même aujourd'hui l'importance de faire le hajj avec quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui nous rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui nous rappelle du bien, parce que souvent dans le voyage on tombe sur des personnes malheureusement qui nous rappellent pas toujours du bien. Donc il faut faire attention à ça. Puis avec les groupes avec lesquels on part pour le hajj, eh ben il faut faire attention aussi que ce soit des groupes qui sont sur le manhaj des salaf et qui s'éloignent des bid'ah et qui s'éloignent des choses qui sont contraires à la sunna. Donc c'est bien de partir avec un groupe pour le hajj, et un groupe qui est organisé et qui est clair sur son manhaj, et de pas partir avec des groupes de bid'ah ou des groupes qui ont des idées qui sont contraires aux principes de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Sinon, on risque par la suite de regretter et d'avoir des problèmes. Et de faire des bid'a ou des choses qui ne sont pas en accord avec la sunna sans même avoir sans même en prendre conscience. Et donc, il faut faire attention à ce sujet-là, c'est très important. ويجب تصحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله ويستعمل الرفق وحسن الخلق ويتجنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطريق أو في الطرق ويصون لسانهم عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله ورسوله. Donc, le cheikh, il dit que également la personne doit corriger son intention et faire en sorte que son intention soit uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ton hajj doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et donc, ça c'est très important parce que la base de nos actions, ce qui fait en sorte que nos actions vont être acceptées ou non, c'est en partant, c'est l'intention. Et le cheikh, il dit qu'il faut aussi utiliser la douceur et le bon comportement durant son voyage. Et également, il faut s'écarter et s'éloigner de toute dispute et le fait d'écraser les gens sur la route, ou bien disons d'obstruer le chemin des gens, rendre le chemin étroit pour eux, donc ça c'est quelque chose de mauvais. Et il doit également préserver sa langue de toute insulte ou bien de toute riba, c'est-à-dire le fait de parler dans le dos des gens en mal, et aussi de s'éloigner de tout ce qui ne plaît pas à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on commence un autre chapitre. Et ce chapitre, c'est « Babun fi mawaqit al-hajj ». C'est un chapitre qui explique les mawaqit, c'est-à-dire les miqat. Le mawaqit, c'est le pluriel de miqat, comme on va le voir, et on va expliquer ce que ça veut dire al-miqat. Al-miqat, juste avant de lire l'explication du cheikh, c'est différents points qui ont été établis. Et il y a deux formes de miqat, comme on va le voir. Il y a temporel et temporel, c'est-à-dire par rapport au temps et par rapport au lieu. Ok, donc il y a deux formes de miqat et c'est c'est un moment ou un espace de temps, un lieu disons un lieu qui a été établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir duquel on entre en état d'ihram. Ok, et donc on va expliquer les détails maintenant. Le cheikh il dit que al-mawaqit jam'u miqat wa huwa lughatan al-hadd wa shar'an huwa mawdi'u al-ibadah aw zamanaha wa lil-hajj mawaqit zamaniyya wa makaniyya. Faz-zamaniyya dhakaraha Allah bi qawlihi al-hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihi an al-hajj fala rafatha فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أي من أحرم بالحج في هذه الأشهر فعليه أن يتجنب ما يخل حج من الأقوال والأفعال الذميمة ويشتغل بأفعال الخير. نعم ويشتغل بأفعال الخير ويلازم التقوى. Donc le cheikh il dit que al-mawaqit c'est le pluriel du mot miqat. Et qu'est-ce que ça veut dire en arabe dans la langue? Ça veut dire la limite. Et dans la sharia, ça veut dire un endroit qui a été établi pour l'adoration ou bien un moment ou un temps qui a été établi pour l'adoration. Et walil hajj mawaqit zamaniyya wa makaniyya. Pour le hajj, il y a deux catégories de miqat. Miqat temporel par rapport au temps et un miqat de lieu. Faz-zamaniyya, en ce qui concerne le miqat pour le temps, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 197 dans Surat al-Baqarah. Pardon. Il dit, le hajj a lieu dans un mois connu. Ensuite, il dit, et si on décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, al-rafath, point de perversité, wala fusuq, et point de dispute, wala jidal, pendant le hajj. C'est-à-dire, il n'y a pas de choses comme ça durant le hajj. Rafath, c'est tout ce qui a rapport avec la sexualité, des trucs comme ça. Wa al-fusuq, la perversité, le mauvais langage. Wa al-jidal, les disputes dans le hajj. Donc, celui qui a intention de faire le hajj, c'est dans les mois bien connus. Hein, et celui qui a l'intention de le faire, il doit s'éloigner de ces choses-là. Wa hadhihi al-ashhur, hein, ces mois-là, c'est lesquels? Les mois du hajj, c'est les mois du hajj, c'est Shawwal et Dhul-Qi'da et les 10 jours de Dhul-Hijjah. Ça, c'est les 3 mois du hajj. Donc, celui qui a, disons, qui est entré en état d'ihram pour faire le hajj durant ces mois-là, alors il doit s'écarter de ceux qui annulent le hajj parmi les actions et parmi les paroles qui sont mauvaises. Et il essaie de s'occuper en faisant du bien et de bonnes actions, et il essaie de rester sur la taqwa, c'est-à-dire de rester sur ce que Allah aime et s'éloigner de ce que Allah déteste. أما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه ولمسلم من حديث جابر ومهل أهل العراق ذات العرق. Ici le cheikh il dit qu'il y a également des miqats ou les miqats qui ont rapport avec le lieu, et ces miqats là c'est les limites qui n'est pas permis pour quelqu'un qui veut faire le hajj de les dépasser en allant à Mecca sans être en état d'ihram. C'est-à-dire que toute personne qui est en état de, qui veut, disons, faire le hajj, n'a pas le droit de se diriger vers Mecca sans passer, disons, par la, n'a pas le droit de traverser ces points-là sans, pour aller vers Mecca sans qu'il soit en état d'ihram. D'accord? Donc, si tu veux aller vers Mecca, et que ton intention c'est de faire le hajj, eh ben tu peux pas dépasser ces points-là, excepté si tu as fait ton ihram, ou que tu es rentré en ihram. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de rentrer dans cette, de dépasser ces points sans entrer en état d'ihram, à partir de ces points-là. Bon, on va expliquer lesquels, c'est quoi ces points-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a clarifiés, il les a expliqués. Il a dit que, il a dit par exemple que Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi des miqats, et il a désigné quels sont les miqats pour chaque région, pour chaque, direction. Le premier miqat, c'est le miqat des gens de Médine, les gens qui habitent Al-Madina. Leur miqat à eux, c'est un endroit qui s'appelle Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa, ça c'est le miqat pour les gens de Médine. Pour les gens qui viennent de la Syrie ou qui viennent du nord, leur miqat c'est Al-Juhfa. Ok? Et pour les gens qui viennent du Najd, hein? Leur miqat c'est Qarn al-Manazil. Ok? Et pour les gens qui viennent du sud, yani le Yémen, leur miqat c'est Yalamlam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit Hunna lahunna, wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihinna, mimman arada al-hajj wa al-umrah, wa man kana, donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces miqat-là sont pour les gens de ces régions-là. Hein? Ou bien pour les gens qui viennent d'ailleurs que de ces régions-là et qui veulent aller faire Hajj et l'Umrah. Donc, supposons que toi, tu n'es pas d'origine du Yémen, tu ne viens pas du Yémen, mais tu as passé par le Yémen pour aller à Mecca, et bien ton miqat, c'est Yalamlam parce que tu viens de cette direction-là. Donc, même si tu viens pas de là-bas, tu dois rentrer en état d'ihram à partir de cette région-là, puisque c'est par là que tu as passé. Après, le cheikh il dit, et ceux qui sont à l'intérieur de ces miqats, c'est-à-dire ceux qui sont déjà à l'intérieur de ces miqats-là, supposons que quelqu'un habite très proche de Mecca et qu'il reste, disons qu'il est à l'intérieur du miqat, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de retourner au miqat pour faire son ihram. Il fait son ihram à partir de l'endroit où il habite. C'est tout. Il sort de chez lui avec son ihram. Et il fait l'ihram. Il rentre en état d'ihram à partir de chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire ihram? Parce que depuis tantôt, on mentionne l'ihram et puis peut-être que certains d'entre vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est l'ihram. En fait, l'ihram, c'est un état dans lequel on rentre, et dans cet état-là, pourquoi on l'appelle l'ihram? C'est parce qu'on n'a pas le droit de faire tout ce que on a le droit de faire d'habitude. Durant cette période-là, il y a des choses spécifiques qui sont d'habitude permises, mais qui deviennent interdites parce que on entre dans cet état-là et dans cet endroit-là. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc, le cheikh, il explique par la suite aussi qu'il y a dans une narration du hadith de l'imam Muslim, selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné également pour les gens qui viennent de l'Irak un miqat. Et il a dit que le miqat des gens qui viennent de l'Irak, c'est Dhat al-Araq, ou Dhat al-Araq. Ça, c'est le nom du miqat. Et le cheikh, il dit par la suite, والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما ومشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة وهو الحرم وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام. Okay. Donc la sagesse, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a établi des mawaqit comme ça, des miqat à ces différents endroits-là. Le cheikh il dit que la raison c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, sa maison, elle est, disons, al-Bayt al-Haram, celle qu'on appelle la maison sacrée, hein, qui est à Mecca, c'est la Kaaba, eh bien, elle doit être honorée et elle doit être respectée. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a établi cette barrière qui est Mecca pour la protéger. Et il a également établi al-Haram, qui est, disons, ce lieu sacré-là, ce sanctuaire, hein, qui protège cette maison, et également ce haram, il a lui aussi un haram, ce sanctuaire a un sanctuaire, et en réalité, c'est les miqats qui ont été établis et qu'on n'a pas le droit de traverser, excepté en état d'ihram, par respect pour la Kaaba. Et pour la maison que Allah a établie pour son adoration. Et quand on dit qu'il ne faut pas dépasser les miqats sans être en état d'ihram, ça c'est uniquement pour les personnes qui vont là-bas, qui vont à Mecca avec l'intention de faire le Hajj ou bien de faire l'Umrah. Toutefois, si quelqu'un s'en va là-bas avec l'intention de faire du commerce ou d'acheter des choses ou bien d'aller visiter des amis, mais pas pour faire le Hajj, dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'être en état d'ihram quand il traverse ses miqats. Il doit uniquement mettre l'ihram ou entrer en état d'ihram lorsqu'il a l'intention de faire le Hajj ou l'Umrah. D'accord? Après, le Cheikh il dit: وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة ميقات أهل المدينة فبينه وبين مكة مسيرة عشرة أيام وميقات أهل الشام ومصر والمغرب والجحفة قرب رابغ وبينها وبين مكة ثلاث مراحل وبعضهم يقول أكثر من ذلك وميقات أهل اليمن يلملم وبينه وبين مكة مرحلتان وميقات أهل نجد قرن المنازل يعرف الآن بالسيل وهو مرحلتان من مكة وميقات أهل العراق وهو أهل المشرق واسمه ذات عرق وبينه وبين مكة مرحلتان وهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. Le Cheikh il dit donc que le plus loin parmi tous les miqat, celui qui est le plus loin de Mecca, c'est le miqat des gens de Médine qui s'appelle Dhul Hulayfa. Donc celui-là, il est très loin de Mecca. Et il dit que la distance entre Mecca et le miqat de Médine, c'est environ 10 jours de marche. Mais bon, c'est très loin, bien sûr. Mais aujourd'hui, en voiture, ça prend 4 heures, et en avion, ça prend environ 45 minutes. Mais il n'y a pas d'aéroport à Mecca, donc à partir de Médine, on fait l'ihram à partir de l'aéroport, puis on descend à Jeddah, après on prend une voiture. Donc c'est plus compliqué parfois en avion. Mais en voiture, c'est 4 heures. Donc tu t'arrêtes au miqat, tu mets l'ihram et tout ça, tu rentres avec l'intention et tu t'en vas, donc ça prend 4 heures en voiture. Ensuite, il y a le miqat des gens qui viennent de la Syrie, de l'Égypte, du Maghreb, et leur miqat s'appelle Al-Juhfa, hein, c'est près de Rabir, le Cheikh dit. Et il y a entre Mecca et entre ce miqat, trois marahil, trois étapes. Bon, la distance des marahil, Allahu alam, combien ça implique. Mais c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit que le miqat des gens du Yémen, c'est la Yalamlam. Et entre Mecca et le miqat de Yalamlam, c'est deux étapes. Ensuite, il dit wa miqatu ahli Najd, les gens qui viennent du Najd, leur miqat s'appelle Qarn al-Manazil et on l'appelle aujourd'hui As-Sayl. Et le Cheikh il dit que c'est à deux étapes de Mecca. Ensuite, il dit que le miqat des gens de l'Irak et des gens de l'Orient, c'est ذات عرق. Et entre Mecca et le miqat ذات عرق, il y a deux lieux ou bien deux étapes. Et le miqat, il dit que ces miqat, on doit faire l'ihram à partir de ces lieux-là pour ceux qui, disons, passent par ces miqat et qui viennent de ces endroits-là, ils doivent le faire. Et celui qui vient d'ailleurs que de ces endroits-là et qui passe par ces miqats-là, eh bien, il doit faire son ihram à partir de ces endroits-là, s'il veut faire le hajj ou la umrah. Le cheikh, il dit encore, وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ من منزله يحرم من منزله للحج والعمرة ومن حج من أهل مكة ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة ولا يحتاج إلى الخروج للميقات للإحرام منه بالحج أما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل. Ok, le cheikh il dit que celui qui habite à l'intérieur du miqat, il fait le miqat, il fait l'ihram à partir de sa maison pour le hajj et pour l'umrah. Celui qui veut faire le hajj parmi les habitants de Mecca, alors il fait l'ihram à partir de Mecca. Il n'a pas besoin de sortir pour aller au miqat pour faire le hajj. Pour faire le hajj, mais il dit pour l'umra, ils doivent sortir pour le ihram, pour faire l'umra. Biha min adna al-hal. Yani, si je comprends, min adna, qu'est-ce qu'il veut dire par yakhrujuna lil-ihram biha min adna al-hal, ou min adna al-hal? Ça voudrait dire, yani, ils vont à l'endroit le plus près pour faire le ihram si c'est pour le umrah. Ensuite, le cheikh il dit, ومن كان, ok, ومن لم يمر بميقات من تلك المواقيت في طريقه أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه يقول عمر رضي الله عنه فانظروا إلى حذوها. فانظروا إلى حذوها من طريقكم رواه البخاري. نعم. Donc supposons que tu traverses le miqat mais pas en passant à côté de ce miqat mais disons dans un autre chemin qui est loin du miqat. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes, yani, quand tu arrives à égalité à partir de l'endroit où tu traverses, tu regardes à peu près yani, où c'est l'équivalent de ce miqat, c'est-à-dire lorsque tu arrives disons à égalité avec ce miqat à partir du point où tu traverses et puis tu fais ton ihram à partir de cet endroit là hein? Supposons que tu t'en vas vers Mecca en passant par un chemin ou pas en passant par un endroit qui n'est pas sur la route collée avec le miqat, mais là tu fais comme à part une ligne imaginaire dans ta tête, hein. Tu imagines qu'il y avait une ligne et à partir du lieu qui est à la même distance que le miqat, et bien dans ce cas-là tu fais ton ihram à partir de cet endroit-là. Naam. Et ça c'est basé sur la parole Omar radiallahu anhu. Il dit regardez sur votre chemin lorsque vous arrivez à égalité avec le miqat, et bien vous faites l'ihram à partir de cet endroit là. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari, c'est un hadith de Ibn Omar selon son père Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Après il dit wa kadha man rakiba ta'ira fa innahu yuhrimu إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظيف والتنظف قبل ركوب الطائرة فإذا حاذى الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها، فمن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، فتكون عليه فدية. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس فيجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة ولا أتمكن من كذا وكذا. والواجب أن يعلم هؤلاء أن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب المحظورات أو تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان، والاغتساب والتطيب ونحوهما إنما هي سنن، وبإمكان المسلم أن يفعلها قبل ركوب الطائرة، وإن أحرم بدونها فلا بأس، وينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة، فإذا حاذ الميقات أو قبله بقليل ويعرف ذلك بسؤال الملاحين والتحري والتقدير، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع. ولكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته. Le Cheikh il dit que lorsque tu montes en avion, donc tu dois faire ton ihram lorsque tu arrives au point du miqat, lorsque tu dépasses le miqat. C'est-à-dire que lorsque tu dépasses le miqat dans les airs, donc tu t'imagines que le miqat est un, disons, monte, tu l'imagines qu'il monte, comme par exemple dans les airs, et que lorsque l'avion traverse ce miqat, eh bien, à partir de cet endroit-là, tu dois entrer en état d'ihram. Et donc, tu dois te préparer en te lavant et en te nettoyant comme il faut, en suivant les principes, c'est-à-dire avant de monter dans l'avion. Avant de monter dans l'avion, c'est-à-dire lorsque tu es chez toi dans ton pays, avant de partir, ben qu'est-ce que tu fais? Tu vas te laver, tu vas prendre ta douche, tu vas mettre le parfum, tu vas, baisser ta moustache et tu vas enlever les poils en dessous des bras, les poils qui sont dans les ailes. Et donc tout ça, tu vas faire ça avant de partir. Quand tu arrives dans l'avion, tu vas partir, et là tu arrives à la hauteur ou au point du mihram, tu vas avoir l'intention de l'ihram dans l'avion, dans les airs, et tu vas faire ta talbiya dans les airs pour l'ihram. Et c'est pas permis de retarder l'ihram jusqu'à ce que l'avion se pose à Jeddah. Il dit que si tu fais ton ihram à Jeddah, ou bien de Al-Bahira, dans ce cas-là, il dit, ça c'est pas correct. Il dit, il y a des gens qui font ça parmi les Hujjaj, et ça c'est pas correct, parce que Jeddah c'est pas un miqat. Jeddah n'est pas considéré comme étant un miqat. Et c'est pas un endroit à partir duquel on porte ou on met l'ihram. Sauf pour les gens qui habitent à Jeddah, pour eux oui. Mais pour ceux qui viennent d'ailleurs, en avion, ceux-là doivent avoir l'intention et faire l'ihram dans l'avion avant de se poser. D'accord? Ou bien quelqu'un, par exemple, qui est arrivé à Mecca, quelqu'un qui est arrivé à Jeddah, auparavant, mais son intention c'était pas de faire le hajj, son intention c'était d'aller visiter de la famille ou d'aller faire du commerce ou autre chose. Puis pendant qu'il était là-bas, il a eu l'intention de dire, c'est-à-dire il a dit, ah bon, je voudrais faire le hajj, et là il a eu l'intention de faire le hajj, il était déjà à Jeddah. Dans ce cas-là, pour lui, il n'a pas à aller ailleurs pour faire l'ihram, il peut faire l'ihram de cet endroit-là parce qu'il n'est pas venu de l'extérieur, il a eu l'intention de faire le hajj alors qu'il était déjà là-bas. Donc ça, c'est pas pareil pour le cas des gens qui quittent leur pays, qui viennent d'Europe ou d'Amérique ou d'ailleurs, en avion. Eux doivent faire leur ihram dans l'avion avant de se poser à l'aéroport. Celui qui donc a pas fait son ihram dans l'avion avant de se poser, alors il a abandonné quelque chose d'obligatoire, ok, et il a fait un ihram, son ihram. Donc celui qui a fait son ihram à partir d'autre que le miqat, alors il a abandonné quelque chose qui est obligatoire, c'est-à-dire de faire l'ihram à partir du miqat, et donc il a une peine, il a une peine, il doit payer une compensation, une fidya, c'est-à-dire il doit donner un disons égorger une brebis ou un mouton pour réparer cette faute. Et ça, on va expliquer inchallah au prochain cours les détails de ces questions là en ce qui concerne al fidya et tout ça. Après, le cheikh il dit, et donc ça c'est une erreur qui arrive souvent. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans cette erreur là. Alors c'est important de faire attention à ça et d'avertir les gens à ce sujet là parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ils n'ont pas le choix de faire de se laver pour faire l'ihram. Ils disent, mais je suis pas capable de me laver dans l'avion, je peux pas me laver dans l'avion, ou je peux pas faire ci, ou je peux pas faire ça dans l'avion. Donc le cheikh il dit, c'est important qu'il sache que l'ihram, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire l'intention d'entrer en état d'ihram et d'entrer dans les rites qui impliquent que tu t'éloignes de certaines actions qui sont interdites en état d'ihram, selon la capacité. Donc, le fait de se laver, ou le fait de se mettre du parfum, ou des trucs comme ça, ça c'est des sunnah, c'est des choses qui sont dans la sunnah, mais qui ne sont pas obligatoires de faire, c'est des choses qui sont recommandées de faire. Donc ça, le musulman, il peut les faire avant de monter dans l'avion, dans son pays, avant de partir. Et lorsqu'il fait l'ihram dans l'avion, lorsqu'il arrive au miqat, eh ben, il peut faire l'ihram au miqat dans l'avion sans qu'il ait à se laver et sans qu'il ait à faire toutes ces choses-là parce qu'il les a fait auparavant. Donc, lorsqu'il arrive dans l'avion, il est déjà lavé, il a déjà rasé ses poils et tout ça. Donc, il est prêt. Et lorsque c'est le temps de faire l'ihram et d'avoir l'intention d'entrer en ihram, ben, il le fait et il fait at-talbiya. Hein, il dit labbaik Allahumma umra, et s'il va faire tamattu, donc il va rentrer, il va dire ça, puis il s'assoit sur sa chaise dans l'avion, il peut le faire assis, et lorsqu'il arrive près du miqat, dans son cœur, et il a l'intention, et en même temps, il le prononce le talbiya à haute voix. Et il le fait un peu, il peut prononcer ça un peu avant d'arriver au miqat ou au miqat exact, mais c'est mieux de le faire un petit peu avant juste pour être certain que il va pas le dépasser parce que l'avion va rapidement. Et le cheikh il dit que c'est possible de savoir quand est-ce qu'on arrive au miqat en calculant et en regardant ou en demandant à quelqu'un qui est familier avec ces choses-là. Et donc, s'il fait ça, c'est-à-dire si tu fais ton ihram de cette façon, eh bien, t'as fait ce que tu peux, t'as fait ce qui est possible. Mais il y a des gens qui prennent ça à la légère, et il y en a qui ça les dérange même pas, Yannis, c'est-à-dire ils font n'importe quoi. Hein. Et donc, celui qui fait ça de cette façon, sans prendre en considération les règles, eh bien, ça veut dire qu'il a abandonné quelque chose d'obligatoire, sans excuse. Et donc, à cause de ça, son hajj et sa umra perdent de la valeur. Le cheikh il dit ensuite, وَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى الْمِقَاتِ بِدُونِ إِحْرَامِ أَنْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ وَيَحْرُمُ مِنْهُ لِأَنَّهُ وَاجِبُ لِأَنَّهُ وَاجِبُ وَيُمْكِنُهُ تَدَارُكُهُ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ فأحرم بدون من دونه من جدة أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبعا أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منها منه شيئا فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم. نعم. Le cheikh il dit que c'est obligatoire de traverser, c'est-à-dire c'est obligatoire pour la personne qui a traversé le miqat sans faire l'ihram, hein, celui qui a fait le, qui a traversé le miqat mais qui n'avait pas mis son ihram, pour lui c'est obligatoire de revenir au miqat et de faire son ihram à partir du miqat parce que c'est une obligation et il est capable de disons de le refaire. Donc il retourne au miqat le plus proche et il fait son ihram à partir de ce miqat et il n'a pas le droit de l'abandonner. Mais s'il ne retourne pas et qu'il fait son ihram sans passer par le miqat, hein, à partir de Jeddah ou d'autres endroits, dans ce cas-là il a une peine à payer. Il doit égorger un mouton, hein, ou bien il prend un septième d'un chameau ou un septième d'une vache et il le distribue aux pauvres de la mosquée ou du sanctuaire, c'est-à-dire de Mecca. Il distribue aux pauvres de Mecca et il n'a pas le droit d'en manger quoi que ce soit. Et c'est obligatoire pour le musulman de prendre attention, de faire très attention aux questions qui ont rapport avec sa religion et de faire les adorations de la façon qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala et par le messager. Et parmi ces choses, bien entendu, il y a le hajj et l'umrah. Et donc c'est obligatoire qu'il fasse l'ihram à partir de l'endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné et qu'il se limite à ces endroits-là tels que ça a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne doit pas traverser ces points-là sans qu'il soit en état d'ihram. Donc donc ça y est pour le chapitre qui parle des mawaqit. Maintenant, il y a un autre chapitre à propos de la façon dont on entre en ihram, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui parce que c'est trop long et on n'aura pas le temps de compléter. Donc, on va laisser ça pour dimanche prochain, inshallah. Pour compléter le chapitre en ce qui concerne comment faire l'ihram, d'accord, et donc c'est ça. Donc ça va être pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses à expliquer, inshallah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.